J'ai désiré ton cœur pour appuyer ma tête. J'ai désiré tes bras comme un refuge pour mes larmes. J'ai cherché tes mains pour qu'elles me comprennent. Ton sourire, ta voix, tes paroles et tes chants pour épuiser ma force. Tisse pour moi le vêtement précieux, l'incorruptible couronne de la fidélité, que je puisse atteler la coupe du céleste amour. Recouvre-moi de toute la blancheur de la neige et de toute la jeunesse du monde. Que cette rose fraîche que tu m'offres me désaltère, afin que j'habite la maison de l'amour. Abreuve de tes caresses, et la terre entière attend aussi ce don. Ce bain de lumière dont tu m'inondes, j'habite la demeure du roi lorsque tu restes près de moi. Comme mon héros, j'annoncerai la venue de mon roi. Car il conduit mon cœur à l'éternelle jeunesse, et je cours à la suite de ses parfums. Il m'honore de bien si magnifique. Et j'aurais voulu que tu restes encore, mais tu as fui si loin de moi. Ce bain